Mauvais mois de mai, donne-moi encore une chance. Quelques jours suffisent à cultiver le silence. Beau mois de mai, que j'atteigne cette récompense. Et qu'elle puisse se faire dans une telle connaissance. J'ai continué à tenir mes plaisirs secrets, passe-temps où je m'étire pour mieux respirer. J'ai dû un peu sourire pour me voir en été. J'ai dû vous dire oui, oui à la vie. Sans mélancolie, l'amour vous suffit et tout votre être tombe dans une accalmie. L'hiver est terminé. Le printemps est ok, mais puis-je continuer à hiberner? Mauvais mois de mai, donne-moi encore une chance. Quelques jours suffisent à cultiver le silence. Beau mois de mai, que j'atteigne cette récompense. Et qu'elle puisse se faire dans une telle connaissance. Le soleil, le soleil, le soleil, le soleil. Le soleil, le soleil, le soleil. Le soleil a débarqué, de la chaleur enfin. Ses rayons me font du bien. L'hiver est encore non loin. La solitude dans une main émet ses froides matinées. Mais et moi dans l'autre main chantonne des songes sédentaires. Comme ils n'y comprennent plus rien. Ma part qui s'extravertit, sombre sous l'océan, ce carrefour de mes pensées mène à l'imaginaire. Je m'étais enfui. J'ai dû me ressaisir. On a toujours eu pitié de mes quelques secrets. J'ai quitté la ville pour aller vous cueillir près du mois de mai des brins de muguet. Puis-je ennuyer ma vie de grands moments plus frais? Mon égocentrisme durera à peine le temps de mélanger mes rêveries à ma haine. Je pourrais vous retrouver et vous accueillir. The sun is right, the sun is light.